jamais sortir ce soir, ce soir. Jusqu'au petit matin, matin. Fin de boulot pour moi, pour moi. Je dormirai demain, demain matin. On est dans les téquelles, oui les téquelles. Et on y peut du rock. Je parle à une fille, belle fille. Et j'ai l'estomac vide, oui tellement vide. La crise est à la bite, c'est fantastique. La décadence, c'est la bonne ambiance. Je vais sortir ce soir, ce soir. En écoutant du rock, pas de douleur. Pas de boulot pour moi, pour moi. J'suis un petit équelle. Je parle à une fille. Jusqu'au petit matin Je dormirai demain, demain. Et j'ai l'estomac vide, mais tellement vide. La crise économique, c'est fantastique. La décadence, c'est la bonne ambiance. Regarde un peu ce look, écoute un peu ce son. Ce soir j'ai la crève, mais je m'achète la vinyle de mes rêves. La crise économique, c'est fantastique. La décadence, c'est la bonne ambiance. Bon alors les gars.